Eh oui, bonjour, bienvenue et merci d'avoir pesé sur Start. Vous êtes dans la barrique numérique, là où les jeux vidéo et la bière se rencontrent sans bug. Ni glitch. On est les frères Cassette, moi c'est Gilles. Et moi Gaétan Cassette. Puis pendant les prochaines 40 minutes à peu près, on va parler d'un jeu vidéo, puis d'une bière, puis ça va s'arrêter là. À la tradition. Ouais, fait qu'au menu principal ce soir, ben, on a décidé de s'inspirer par ce qui se passe à l'extérieur. Ben en fait, il y a ça, il y a aussi le fait qu'il n'y a pas un satané jeu qui est sorti dernièrement. Ouais, il faut qu'on fasse une espèce de backtracking. Là, on n'a pas le choix. Puis nous autres, l'hiver, ça nous rappelle Skyrim. Absolument. Donc Skyrim, qui est un MMORPG. Non, c'est pas un MMORPG parce que non, c'est pas... juste un RPG. C'est juste un RPG. Donc un role-playing game, un jeu de rôle, comme qu'on dit, qui se situe dans une contrée qui s'appelle Cyrodiil. Oui. Mais plus précisément, dans Cyrodiil, il y a une province qui s'appelle Skyrim. Puis c'est là que ça se passe. Exactement. Puis ben c'est plein de dragons, puis d'épées, puis de... Puis de neige. Puis de neige, puis de montagne, puis de plein de choses à faire aussi. Et puis, on devient un héros légendaire. Et que de mieux pour aller avec un héros légendaire qu'une bière qui porte à peu près ce nom-là? Oui, exactement. Aujourd'hui, on va boire la McTavish de la brasserie Le Trou du Diable, qui est... On dit Le Trou du Diable en passant. Oui, c'est vrai. Dans c'est notre vrai. Patelin, là, c'est ouais, le Diable. Oui, c'est vrai, j'ai mal prononcé. Mais mon oncle Maurice, il serait pas content de toi. Ah, je sais, pauvre mon oncle Maurice. Oui, c'est pas fin. Mais c'est une bière qui est catégorisée comme étant une L légendaire, donc on pouvait pas s'en empêcher, ça allait avec le sujet ouais. Ce soir. Faire mentionner aussi sur l'étiquette, là, on a un personnage là, qui porte une barbe, une espèce de casque de poils, qui swing un épée sur ce qui semblerait être une carcasse de dragon qui est au sol et puis des monstres à côté. En fait, c'est des roches, c'est pas des dragons, mais je veux pas briser ton rêve, fait qu'on va... Tout ça pour dire que tu pourrais remplacer la pochette de Skyrim par l'étiquette de la McTavish, puis on serait ni vu ni connu. Ben, je dois avouer que ça ressemble pas mal au poster avec le personnage principal qui se tient sur une roche. Là. Ça ressemble un peu. Absolument. Là. Donc, comme vous pouvez le constater, chers auditeurs, le match est parfait. Ah, tout à fait, tout à fait. Ça peut pas être mieux. Fait que parle-moi donc d'eux autres, là, le Trou du Diable, là, c'est qui, d'où c'est qu'ils viennent? Ben, ils viennent de Shawinigan. C'est une petite entreprise qui a commencé, je pense, en 2003, mais ça a plus eu un essor en 2005, puis depuis ce temps-là, ben, ils arrêtent pas de prendre l'expansion, puis... avant, c'était plus dur de trouver leur bière, mais à cette heure, depuis ben, une couple de mois, voire année, c'est plus facile d'en trouver. À Montréal, il y en a quasiment dans toutes les bonnes épiceries, bons dépanneurs. On va remercier la classe des hipsters qui a vraiment embarqué dans la vague des microbrasseries. Là. Ouais, c'est ça. À cause d'eux autres, on a enfin des bons produits, puis on boit plus de Pabst. Ils ont servi à quelque chose, finalement. Ouais, il faut bien qu'ils servent à de quoi. Ouais, bon, on va parler d'une autre classe de gens, c'est-à-dire les personnes qui font des grandeurs nature le dimanche au Mont-Royal, là. Sauf que c'est ça, on y reviendra. Oui. Fait que bon, on va commencer tout de suite avec le débouche originel. Yes. Moi, j'ai mon vrai bon débouche, toi t'as encore ton petit porte-clés tout rouillé. Ouais, mais c'est le charme du porte-clés. C'est ça. Fait que à go dans le micro, 1, 2, 3. Oh, c'est bon ça. Tu vois, t'as encore de la misère, toi. Chut. Tout est dans le charme. Fait que bon, ben, premièrement, ça sent bon. C'est toujours de même. Ben, écoute, c'est rare que ça sent pas bon de la bière. Ouais, ouais, ouais. Ben, ça dépend de quelle sorte de bière. Si tu me donnes de quoi aux fruits, là, qui est pas vraiment de la bière, c'est pas winner. Ben, tu sais, ça va sentir bon, ça veut pas dire que ça va goûter bon. Ouais, jamais très très winner. Fait que nous autres, les éphémères aux pommes, là, on risque vraiment de boycotter ça, là. Ou celle au mur aussi. Ouais, ouais. Fait que quand on dit ale, en regardant ça à travers ma torche, c'est effectivement torche. Une. Ben, tu sais, une torche, là, tu sais, quand tu te promènes avec un bout de bois puis il y a du feu au bout, là. Ah, une torche, ouais, là. Okay. Parce qu'il y en a dans Skyrim, des torches. Oh, yeah, le lien lié, là. Ok, mettons. Fait que non, c'est absolument une ale, puis m'envoie de goûter ça pour te le dire si c'en est une. Yes. Qui va quasiment chercher des petits côtés de pale ale, je te dirais. Oui, vraiment. Moi, c'est sûr que ça m'a fait passer la première fois que j'en ai bu une, parce que, soyons honnêtes, c'est pas la première fois que je bois une McTavish. C'est un petit peu plus de corps qu'une ale traditionnelle. Oui, oui, absolument. Puis, une petite amertume aussi supplémentaire qui est vraiment appréciée. Moi j'adore ça. Puis en même temps, ça reste rafraîchissant. T'sais, c'est pas une bière qui est lourde en tant que telle. C'est bien dit. Malgré l'amertume, c'est très, très, très rafraîchissant. Ouais, ouais. Elle a pas l'air à tomber. Ben, je voulais pas dire tomber sur le cœur, là. Non, mais comme tu dis, elle a pas l'air à tomber sur le cœur après 3-4 gorgées. Bon! On va y arriver. Fait que mettons qu'on commence dans Skyrim. Fait que là, il faut dire, là, Skyrim, vu que c'est un role-playing game, il n'y a pas deux personnes qui vont vivre la même aventure. Il n'y a pas deux personnes qui vont s'appeler pareil. Moi, personnellement, mon personnage s'appelle Bollard McDouche. qui est tout à fait un très bon nom. Qui est pas douteux du tout. Il est très à mon image. Il manquait juste le tracteur dans le jeu, puis c'était à peu près c'était moins. Non, c'est ça, exactement. Toi, il s'appelle comment ton alter ego? Faut que je retourne dans ma mémoire un peu, mais me semble que c'était Gardakan. Et pour ceux qui ont déjà écouté l'émission Tom et ses chums, l'épisode de Donjon Dragon, vous allez reconnaître la référence qui était là. Ça, t'es pas très original dans tes noms, toi. Hein? Non, mais c'est quelque chose qui m'a tellement marqué que tu sais, j'ai fait OK, ça me prend un nom médiéval, fait que me rajoute des G, des K, puis tu sais, des affaires qui se prononcent pas. Là, pis, non, c'est ça. Mais tu sais, par le temps que Fido 3 t'es mort, là, j'étais déjà pas mal dans l'idée là, que t'avais de la misère à trouver des noms originaux pour nos chiens. Les gars. Fait que qu'est-ce qui se passe dans Skyrim? Ben, c'est ça. On est dans une contrée qui vit un problème politique grave. C'est-à-dire, il y a les Nords qui sont les résidents, les personnes qui ont toujours habité là. Ouais. C'est comme les natifs de l'endroit. Oui, c'est ça, c'est le mot. Les natifs, donc les natifs, qui malheureusement font face à la présence de l'Empire de Cyrodiil, qui, eux, viennent clamer ces terres-là pour en faire ce qu'ils veulent, et puis, ultimement, peut-être rendre les Nords à l'esclavagisme. Ben, en gros, c'est toujours le principe du petit peuple contre le gros peuple qui va avoir tout le pouvoir, puis ça. Ouais. Fait que c'est sûr que là-dessus, c'est pas très original nécessairement, mais c'est pas l'histoire. En fait, c'est le combat de tous pour tout le temps. Ouais, c'est ça, exactement. C'est toujours une bonne trame de fond. Ouais. Mais en même temps, avec Skyrim, c'est pas l'histoire qu'on te propose qui est intéressante, c'est l'histoire que tu te fais en le jouant. Absolument. Puis ça, ça fait une grosse différence. Sauf que l'histoire qu'on te propose au début, elle est obligatoire. C'est-à-dire. Ouais, t'as quand même une ligne qui va t'être forcée, mais de la façon que tu vas décider de vivre cette ligne-là, puis de l'approcher, tout ça, là, ça va être vraiment à ta façon. Le jeu va commencer, t'es dans une wagon tirée par des chevaux, tes yeux se rouvrent, puis hey, il se réveille, puis là, tout d'un coup, t'apprends que tu t'en vas carrément au bûcher te faire assassiner pour on ne sait trop quel crime. Non, c'est ça, ça reste vague au début, fait que c'est vraiment juste. En fait, c'est pour donner l'espèce de. Comment je pourrais dire? De défis de déstabiliser, tu sais. C'est comme, OK, je sais pas trop, je suis qui, pourquoi, puis tout ça. Puis en même temps, c'est ça qu'ils veulent faire parce que, ultimement, un coup, tu vas arriver, il va arriver des événements, puis c'est là que tu vas créer ton personnage. Fait ouais, on va caler ton nom. Pendant 10 minutes, admettons, 5-10 minutes, je sais plus exactement combien de temps le prologue il dure, mais t'es comme un. C'est vraiment pas ton histoire, c'est le jeu qui te guide. Ouais, t'es un nobody jusqu'à ce que. Fait que le jeu va devenir ton histoire à partir du moment où tu vas mettre ton nom puis tu vas vraiment décider de ton personnage, les features, les caractéristiques que tu vas y mettre. Voilà, puis choisir son personnage, c'est-à-dire choisir une classe à travers à peu près une dizaine de classes. Là. On a plein de personnages en fait qui viennent de la série là, parce que les Elder Scrolls, c'est une série qui perdure depuis longtemps. Si vous avez joué à Morrowind ou Oblivion, c'est à peu près pareil, sauf que c'est en mieux à tout point de vue. C'est ça, là, tu peux être un Nord, tu peux être un Elf, tu peux être un genre de lézard, tu peux être un genre de chat, tu peux être un genre de magicien. Ben, tu peux être bien des sortes de classes, puis ce qui est. Ben, en fait, c'est même pas des classes, c'est des races. Oui, c'est ça, tu choisis ta race. Non, c'est ça. Tu développes ta classe. Ouais, exactement. Mais ce qui est le fun, c'est que chaque race. Au lieu justement d'avoir, un RPG normal, tu vas choisir, mettons, je suis un nain guerrier. Bon, mais là, tu vas décider, tu sais quoi, ta race. Puis chaque race va avoir des caractéristiques bien spéciales. Genre, mettons, justement, t'es un elf, bon, tu vas être plus sneaky, tu vas avoir plus d'aptitude avec un arc, tu sais, des trucs comme ça qui va vraiment. Tu peux être un natif, un Nord, justement, qui a la particularité de pouvoir survivre plus longtemps dans le fret. Parce qu'il fait fucking fret à Skyrim, là, on le voit bien. Ça, c'est sûr. Mais, fait que c'est vraiment à partir de là, tu vas décider un peu. Quel type de personnage que tu vas vouloir jouer en choisissant ta race, mais ça t'empêche pas de faire ce que tu veux après. Exactement. C'est un peu un template de base qui peut te donner des petites aptitudes de plus dans certains domaines que t'aimerais jouer, mais si tu te rends compte que t'aimes vraiment pas ça, t'es pas obligé de recommencer ton personnage. Tu peux développer cette branche dans les aptitudes-là et puis simplement rouler ta bosse avec ça. Là. Non, c'est ça. Puis, en fait, le système de Elder Scrolls, de Skyrim, c'est vraiment de. Tu développes. Tu vas leveler up tes skills en les utilisant. Absolument. Puis c'est comme ça que tu vas devenir bon dans telle ou telle chose. Ils ont quand même pensé à pas faire leveler up ton côté acrobatique en sautant tout le temps, là, ce qu'on pouvait faire dans Oblivion. Non, c'est ça. Ça rend la chose un petit peu plus crédible, si on quand veut. Quand même. Mais sinon, généralement, je veux dire, tu veux être un archer, ben sors ton arc, puis va tirer des flèches jusqu'à temps que tu deviennes bon, puis tu vas leveler up, puis tu vas avoir plus de skills. Ouais, tu veux pas te faire voir, reste accroupi tout le long, fais juste passer en arrêt de tes ennemis, aboler dans le noir sans faire de bruit, puis tu vas devenir une vraie machine à tuer. Oui, oui. À quoi ça sert toutes ces skills-là? Ben, c'est pas compliqué, c'est que dans cette première scène-là, un événement arrive, les dragons reviennent, une espèce de prophétie voulant que les dragons reviennent à Skyrim, chose qu'on pensait étant un mythe qui n'a jamais existé. Ben, c'est grâce à un dragon finalement que tu ne te fais pas tuer parce que ça arrive au moment où l'épée allait tomber puis tu peux te sauver. Exactement. C'est vraiment un concours de circonstances qui te permet de survivre. Oh, que oui, monsieur. Parce que sinon, tu serais mort. Ouais, fait que le jeu serait plat. Mais non, mais c'est ça, ça durerait 12 minutes là, puis dans le fond ça serait un super de bon de simulateur de race là, tu pourrais faire n'importe quelle sorte de personnage que tu veux. Ouais, ouais, ce serait pas super dans le fond, tu sais, on sent la crise des Sims, c'est même pas le fun de jouer. Non, ça. Non, non, non. Fait qu'une fois que t'es sauvé, ben le monde est à toi. Le monde est ouvert à toi, tu peux aller n'importe où en partant. C'est sûr que il y a des quêtes principales qui te sont proposées, ils vont toujours être dans ton menu principal. Tu cliques dessus, tu l'actives, il y a ton icône qui apparaît, puis tu peux aller là. Mais à part ça, sky's the limit. C'est là que on voit toute la beauté aussi du monde. Je veux dire, du moment que tu commences à te promener un peu par toi-même, puis que t'es moins guidé, tu vois à quel point le monde est gigantesque. Absolument. Puis il est magnifique. Oui, oui, oui. Puis, je parle pas de la qualité nécessairement des textures, tout ça, parce que surtout sur console, ça a été vraiment super compressé. Ouais. Mais c'est vraiment l'ensemble général. Tu te promènes, t'as vraiment l'impression de faire partie de ce monde-là. Oh, ouais, puis même Skyrim est séparé en quelques régions différentes. Puis chacune de ces régions-là ont des propres particularités. Là. Il y a des plaines où est-ce qu'on voit du gazon, des petits ruisseaux. Il y a vraiment le plateau surélevé est proche de le Throat of the World, là, qui est la plus haute montagne du jeu. Ouais. Qu'on doit escalader lors d'une des missions principales. En effet. Il y a les parties plus au nord qui sont tout le temps dans le vent puis la neige, et les parties plus à l'ouest où est-ce que c'est un petit mélange d'escarpées puis de neige. Ouais. Les villes principales sont absolument magnifiques. Ils ont vraiment chacune leur personnalité avec leur propre histoire, leur propre genre de personne, puis leur propre classe politique. On sent vraiment que chacune des villes n'est pas gérée de la même manière d'une à l'autre. Non, c'est ça. Puis c'est ce qui fait la beauté de la chose, c'est justement de voir quelle ville te plaît le plus, vers quelle allégeance tu vas aller comparativement à une autre. Puis là, c'est là que tu commences à développer des alliances avec certaines personnes. Puis là, tu vas commencer à tuer d'autres mondes parce que tu détestes, parce qu'ils aiment un certain parti politique que toi, t'aimes pas. C'est ça. Mais l'allégeance politique est très importante. Là. Justement, tu mentionnais de quoi d'important là-dessus, Gaétan? Oui. Ouais, ben tu parlais de la citoyenneté. Oui, excuse, j'ai comme eu une espèce de blanc de mémoire. Ça fait combien de McTavish tu bois, là? 72. Ah, OK, c'est pas payé. Mais... moi, je suis juste rendu à 69. Ah, mais tu m'en dirais... Non, ça, en fait, dans Skyrim, ce qui fait que c'est le fun, c'est l'effet de citoyenneté, c'est que c'est pas tant la quête, c'est pas tant l'action de te battre, c'est pas les... Ben, on aime ça se battre, là. Oui, ça, c'est un gros feature. Ce que de je veux jeu, dire, là, c'est que ce qui fait que tu vas retourner, c'est que tu commences à t'attacher à ton personnage puis à comment il vit dans le monde. Fait que, surtout l'apport et les conséquences de tes actes qui vont modeler tout ce monde-là autour de toi. C'est ça, en fait, c'est que tu vas te mettre à jouer d'une certaine façon, puis là, tu vas dire, OK, ben je veux respecter telle morale, tu sais, je veux pas tuer n'importe qui, je veux pas voler telle personne, tu sais. Fait que quand tu parles. Par un gros hasard, tu prends une quest qui est comme « OK, ben tu es une personne qui était ton ami, ben tu préfères genre faire « fuck it, je vais resetter mon jeu » que d'aller le tuer tellement que ça t'appartient puis t'es comme tu te sens pas bien d'aller... Parce que ça nous trouble des fois. On n'a pas envie de tuer un ami, même s'il est virtuel. Non, c'est ça, mais l'affaire, c'est qu'ils font tellement une bonne job à rendre le monde important. On est capable de t'imposer un dilemme moral grave. Ah oui, c'est ça. Je veux dire, je racontais tantôt, j'ai joué, je pense que ça fait 2 jours, puis je me suis crouché dans Winterhold pour aller pickpocketer un innkeeper qui était là puis qui faisait rien. Puis je réussis à le pickpocketer, mais du moment que je sors du menu, ben, il se met à m'attaquer puis tous les gars sont contre moi, ben, j'ai fait fuck it, j'ai quitté le jeu, j'ai reloadé ma game. Ouais, c'est ça qu'on veut dire par les conséquences de nos actes, parce que plus qu'on fait de mauvaises actions, plus que la réputation de notre personnage va en souffrir. Et puis, on peut arriver à des endroits, puis avant même de faire quoi que ce soit, on a déjà des gardes après nous autres. Donc, c'est bien important de c'est ça, toutes les l'allégeance politique puis tout ça, ça joue un gros jeu, parce que si tu essaies d'aller vers tel clan puis de faire toutes les quêtes puis d'être super top réputé avec eux autres, ben ceux de l'autre clan vont savoir puis ils t'aimeront pas quand ça va arriver proche. Ouais, c'est vraiment le même principe, les mêmes systèmes là que Fallout New Vegas, si on veut là. Sauf que en fait c'est pas compliqué. Oblivion là, Oblivion Skyrim, en fait c'est la même chose qu'Oblivion était, c'est la même chose que Fallout était. Bethesda, ils ont vraiment une espèce de carcan, un moule. Ouais, ça, c'est un moule qu'ils utilisent pour tous leurs jeux. Puis, tu vas jouer à Fallout 3, tu vas jouer à Skyrim, tu vois la ressemblance, tu sais. Oui, absolument. Je veux dire, autant dans les graphiques que dans les interfaces. Ben, l'interface est exactement pareil. Ce qui change, c'est le skin autour. C'est que ça va être la même façon de fonctionner, mais l'apparence du HUD va changer un peu. Mais sinon, c'est exactement la même chose. Mais même au-delà de ça, le sentiment, je veux dire, le fait d'avoir un petit prologue au début, puis après ça, t'es laissé à toi-même. Tu sais, dans Fallout 3, quand tu sors de la vault, c'est la même affaire. Oui. Je veux dire, t'es guidé tout le long que t'es dans la vault 101. On te donne les bases de ce que tu dois savoir. C'est ça. Puis après un ça, coup, là... tu sors, puis t'es libre. Ben, c'est la même affaire que dans Skyrim, un coup que tu fuis l'attaque du dragon, puis tout ça, ben, t'es libre à toi-même. T'as une idée d'où est-ce que tu dois aller, mais t'es pas obligé d'y aller, puis on t'encourage pas nécessairement à y aller. Non, c'est comme t'as un point sur ta map, va là si ça te tente, mais sinon, fais ce que tu veux. Puis faire ce qu'on veut, c'est tout le temps ça qui se passe, parce qu'on a bien beau se dire, bon, mais on va s'en aller faire la quête principale, on va marcher, on va marcher, puis à un moment donné, pow! Il y a une grotte. Bon, on va aller voir qu'est-ce qu'il y a dans la grotte. Puis qu'est-ce qu'il y a dans la grotte? Plein d'affaires. Mais c'est souvent ça qui arrive. Je veux dire, combien de fois je me suis perdu juste à me dire, OK, je vais à telle place, il faut que j'aille à cette ville-là pour continuer ma quête. Puis là, tu te promènes, c'est comme, il y a un gars là, tu vas le voir. Puis là, viens m'aider, ma femme est en danger. Puis là, tu la suis. Puis là, finalement, c'est un donjon qui dure 2h30. Exactement. Puis après ça, tu ressors, puis t'es comme, qu'est-ce que j'allais faire déjà? Ah oui, c'est vrai ça. Puis là, tu t'en vas, puis c'est comme, il y a un monstre là, que je devrais aller tuer. Puis là, tu vas le tuer. Puis là, il y a un dragon qui arrive, faut que tu le tues. Fait qu'il y a tout le temps des événements qui arrivent. Puis c'est. Parfois, c'est overwhelming, mais. Ça reste intéressant. La satisfaction de pouvoir réaliser toutes ces quêtes-là, ces actions-là, de s'en sortir vivant. D'avoir collecté le butin à la fin du combat aussi, parce qu'on est capable de piller à peu près tout ce qui existe. Ah ouais, puis des affaires que tu serviras jamais, genre un bucket, des choux. Ouais, parce que chaque objet dans le monde est utilisable. Ben, pas nécessairement utilisable, mais est ramassable. On peut l'avoir dans son inventaire. Ça prend de la place, il faut faire le ménage à un moment donné. Mais plus qu'on progresse dans le jeu, on est capable de se débarrer une maison dans laquelle on peut déposer 55 chaudières de bois. Ouais. Des fourchettes, des couteaux, tout est utilisable, tout est faisable. Mais ça, tu sais, tu parles en même temps du fait de pouvoir t'acheter une maison, puis ça renforce l'idée, je te parlais tantôt, de citoyenneté. Absolument. C'est parce que là, tu vas venir pour t'acheter une maison, puis t'as le choix de la ville dans laquelle tu vas l'acheter. Ouais. Là, dépendant de... Si t'as assez d'argent, tu peux acheter une maison dans toutes les villes. Non, c'est ça, mais vraiment, là, je veux dire, d'aller genre, OK, je vais aller dans la ville dans le nord, parce que j'aime ça que ma maison, elle soit dans la neige tout le temps, puis tout ça, ou tu sais, d'aller plus vers une place qui est plus montagneuse ou qui est plus des plaines. Votre côté de pornographie décorative là, peut être grandement satisfaite avec ça. Oh, oui, tout à fait. Fait que on est rendu à peu près au moment où il faut qu'on se dise hey, c'est la gorgée du milieu. C'est certainement la gorgée du milieu. On a pris plein d'autres gorgées depuis le début, mais on va prendre une autre gorgée là qu'on va faire un chin parce qu'on n'a pas fait de chin encore. Non, c'est ça, chin. Hey. Écoute. Fait que de quoi ça a l'air cette bière là encore plus le fun, tu sais, d'un coup là, ben je continue à dire ce que je pensais tantôt. Ça l'affaire, c'est que moi pour aujourd'hui la gorgée du milieu est un peu dur à dire parce que je suis trop habitué de boire cette bière là, fait bon, que j'ai toujours un peu le même feeling. Mais non, sérieusement, c'est une bière rafraîchissante, j'arrêterai pas de le dire. C'est non, t'es sans mots là-dessus. Je suis sans mots, regarde, j'ai la larme à l'œil. Les émotions, autre chose. Mais non, sans joke, c'est une très bonne bière. Moi je C'est une bière facile à aimer aussi. Là, pas, définitivement, ouais. Il n'y a pas grand chose qui. Il n'y a pas grand doute, en fait. C'est directement bon. Ouais, c'est ça. C'est bon dans la gueule, comme ils disent. Ah, facteur gueule, très bon pour la McTavish. Mais je pense qu'on a déjà trouvé notre gagnant pour cet épisode. Fuck! Qu'est-ce qui se passe dans Skyrim quand il est temps de se battre? Ben, c'est simple. On a deux mains dans lesquelles on peut soit tenir. Deux armes à une main, une arme à deux mains. Une arme et puis de la magie, ou deux magies, ou une arme puis un bouclier. Bloqueur, ou un bouclier puis de la magie. Enfin, les combinaisons sont à peu près illimitées. Ouais. Puis sans mettre de côté la magie, on peut mettre de la magie sur tous nos objets en plus. Oh oui, les possibilités sont vraiment énormes, ouais. Là-dessus. Puis c'est là que devient la beauté, justement, de pouvoir jouer ce que tu veux jouer. C'est ça. La progression, elle est... On te force à progresser puis à essayer des combinaisons nouvelles. Il faut que tu essayes parce que, honnêtement, tu vas commencer au début. Je pense qu'au tout début du jeu, tu donnes, je pense, un épée, un shield, puis c'est tout. Puis je pense que tu as même une poche de patates là, comme, ouais, comme survêtement, là, à peu près. Mais tu sais, fait que tu peux essayer un peu le combat, ce style de combat-là, mais après ça, tu peux vraiment y aller selon ce que tu veux, puis si tu décides que finalement j'aime vraiment ça la magie, tu peux juste utiliser la magie, puis là tu vas leveler up juste ça, puis tu vas devenir vraiment fort. Fait que c'est ça, le combat ça vient qu'à ressembler pas mal à ce qui se passe là, au Mont-Royal les dimanches là, avec les épées en styromousse gris là. À peu près, ouais. Si vous voulez savoir de quoi ça a l'air se battre dans des épées mousse gris là, ben Skyrim c'est un excellent comment dire tutoriel pour ça, c'est si un simulateur de bataille sur le Mont-Royal le dimanche. Il y a juste pas de tam-tam dans la soundtrack, par exemple. Non, mais je pense que tu peux en trouver dans certaines villes. Il faudrait vérifier. C'est vrai qu'il y a un joueur de tam-tam, puis il y a une quête qui fait appel à le drum d'un personnage dont le nom m'échappe, mais qui fait très, très, très ça fait finlandais la, comme ça, prénom. Ça se peut, là, ouais, quelque chose comme ça, ouais. Fait que c'est ça, les armes, ben c'est des épées, des massues, des haches, ou soit des grandes épées, des fucking grosses massues, des fucking grosses haches. Pensez à tout ce que vous pourriez jouer là, dans un jeu de fantasy américain typique, là. Ouais. C'est ça, c'est exactement ça. Il y a des dagues aussi, bon, les arcs et les flèches, puis la magie, ça va varier entre de la glace, du feu, de l'électricité. Ouais, de la magie pour te guérir, puis... Pas mal des classiques, c'est ça, sauf que, comme on dit... La progression fait en sorte que toutes ces attaques-là, toutes ces armes-là deviennent de plus en plus meilleures. Tu sais, là, ton épée, elle commence avec, mettons, 15 de dommages. Ben là, ce que tu peux faire, en ayant appris l'habilité de faire du smithing. Du smithing? C'est quoi? Le forgeron. Ouais, c'est ça. Tu deviens un meilleur forgeron, puis tu peux te forger une bien meilleure épée. Ouais. Puis après ça, tu peux mettre de la magie dans ton épée. Ouais. Puis là, tu peux augmenter ton skill avec tes épées. En effet. Fait que là, ça veut dire que t'as une astuce d'épée de mongol, là? Oui. Tu veux du monde avec ça, là. Hey man, t'en chopes des têtes, là. Puis mais... y a bien des beaux finishims. Ben, des finishims. Ouais, quand même. Ben, encore là, ça revient un peu à ce que si vous avez joué à Fallout, vous l'avez vu. Tu sais, tu tires quelqu'un, puis là, c'est en slow motion, la tête explose, puis c'est bien le fun. Là. Ben, ouais. C'est un peu le même principe, mais avec une épée, puis tu slices la gorge, puis ça. Ah ouais, puis l'animation est devant toi, elle est là, tu peux te choper un bras, puis finir ça dans la gorge, puis c'est là, là. C'est le genre de truc qui peut être aussi satisfaisant que détestable, dépendant de la situation dans laquelle que t'es. Parce que ouais. Des fois, t'es dans une situation où c'est super satisfaisant de le voir, pis t'es comme « fuck yeah, je vais le tuer ». D'autres fois, c'est la première bébite que tu tues sur 30. Non, puis... c'est sûr, ça a comme pas d'impact. T'es comme « ok, c'est beau, là, je peux juste comme continuer mon combat ouais, ». Surtout ouais. Si t'as plusieurs ennemis, pis tu sais, ça arrive, pis t'es comme « regarde, je m'en sac, là, c'est, passe à d'autres choses ouais, ». Pis les ennemis, il y en a une triste grosse variété aussi. Ouais. Là, ça passe quasiment des lapins de prairie jusqu'à des géants là, qui mesurent à peu près 8 pieds de haut. Qui peuvent te faire voler à 3000 pieds dans les airs. Puis, ouais, j'avoue que le simulateur de physique dans le jeu a probablement souffert d'un manque d'attention. Mais on parlait d'armes, puis on a oublié un gros point important qui sont les shouts. Ça, c'est le feature le plus nouveau que la série Elder Scrolls a amené. Effectivement, les shouts. Parce que pourquoi est-ce qu'on a ces shouts-là? En fait, qu'est-ce que c'est qu'un shout? En fait, c'est un cri. C'est un cri parce que... Ah, un cri. En fait, on est un Dragonborn. Voilà. Ce qui fait qu'on peut parler le langage des dragons. Ouais. Ce qui fait que quand tu vas te promener, tu vas avoir des espèces de pierres que tu vas trouver avec une inscription qui est écrite en langue de dragon. Je sais pas, je lis pas le dragon. Ouais, le Dovahkiin, c'est ça? Ouais, quelque chose du genre. Puis Gardakan, Dovahkiin, tu vois, là? Ok, là, je commence à comprendre pourquoi tu t'appelles de même, ouais. Puis quand on lit ces pierres-là, ça nous donne justement des cris. Puis ces cris-là, c'est différents types de magie qui peut être utilisée par-dessus la magie qu'on utilise déjà. Par-dessus les armes qu'on utilise en même temps. Ouais, c'est ça. Fait qu'on a trois types d'attaques là, simultanées. Ouais, exactement. Fait qu'il y a moyen là, d'avoir des combos pas pires. Puis c'est de là que vient le fameux Fusroda. Le premier cri qu'on apprend en fait, là, qui est un cri qui permet de repousser les ennemis un peu plus loin. Mais les autres cris vont varier à... Tu peux crier de la glace, crier du feu. Tu peux même crier tellement fort que ça va faire apparaître une tempête électrique au-dessus de toi. Ouais, puis il y en a même un qui summon un dragon à un moment donné, si je me trompe pas, mais je me suis pas rendu là, fait que je pourrais pas te dire. Mais parce qu'il y en a un qui crie pour Adrienne. Faudrait que je check. Sinon, faudrait que ça soit implémenté, puis je demande à Bethesda de le faire maintenant. Oh, ouais. Mais sinon, c'est sûr qu'il y a un mod sur la version PC qui doit avoir tout remplacé les shards par des Adrien. Absolument. Il y a des modeurs qui s'en sont donnés à cœur joie pour modifier le jeu. Il y en a qu'on a vu remplacer les dragons par Thomas de Train Engine. Oui, c'est ça aussi. C'est assez creepy quand tu regardes ça. Tu mais peux aussi avoir des faces de Nicolas Cage sur tous les personnages, puis... Bon. Pourquoi j'étais pas au courant de ça? Je voulais comme pas te le montrer, mais je sais que t'es un peu obsédé par Nicolas Cage. Non, mais c'est parce que c'est la meilleure chose au monde, là. Non, mais gars, on va... Hey, comment... Je vais rappeler mon jeu Cage Dream, là. Beast, not the beast! Excusez-la. Fait que, non, mais qu'est-ce qu'il y a à faire dans le monde? À peu près tout, je veux dire. Tu peux ramasser des papillons, tu peux ramasser des plantes, tu peux aller. Ouais, mais ça, c'est un gros feature dans le crafting parce que les potions jouent un rôle très important dans la manière qu'on va aborder nos combats, comment on va se guérir aussi parce que c'est des ingrédients qu'on peut ramasser partout dans le monde. Les plantes, les insectes, certains animaux, même certains ennemis vont nous laisser des ingrédients qu'on peut. Mélanger ensemble en utilisant bien évidemment une autre habilité qui s'appelle l'alchimie. Oui. Et puis pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire avec ces ingrédients-là, c'est pas compliqué, on le mange. Oui. Puis on voit les effets que ça donne. Exactement. Des fois c'est le fun, des fois c'est pas le fun. Ouais, tu peux manger un pain, ça donne rien. Tu peux manger une pomme, ça donne rien. Mais si tu manges un papillon par exemple, ah tiens, tu peux régénérer de ton énergie. Tu peux manger une autre affaire, genre de l'ectoplasme. Puis là tout d'un coup, ah tiens, ça te rend résistant à telle affaire. Puis qu'est-ce que tu fais si tu fais une potion en mélangeant ces deux-là? Ben t'as une potion qui est tout à fait différente. Non, puis, c'est ça. Là-dedans aussi, les combinaisons ne sont sans fin. Si tu veux t'amuser, ben tu manges tout ce que tu as dans ton inventaire puis tu pleures après parce que t'as plus de vie. Puis, ouais, c'est ça. Puis tu peux te ramasser dans une autre dimension, peut-être. Quelque chose du genre. Ouais. Ben, parlant d'autres dimensions, ça, c'est quelque chose que j'ai eu comme quête à un moment donné. C'était vraiment intéressant. Là. J'étais dans le monde des rêves puis il y avait un des méchants dieux ou princes des ténèbres qui m'avait amené là. Parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'en plus des factions, soit les impériaux ou les natifs, là, il y a toute la divinité, toute la religion. Les Daedric. Les Daedric, c'est ça. Puis tous ces princes de malheur-là, ben, ça fait partie de la religion polythéiste que certaines personnes pratiquent dans Skyrim. Ben, je veux dire, ça aussi, ça date encore des autres jeux. Tu regardes Oblivion, puis t'avais les shrines que tu devais aller pour faire des quêtes pour certains dieux qui allaient donner des items légendaires qui étaient super puissants. Ben, c'est le même principe dans Skyrim parce qu'il y en a qui vont vous en donner de ces items-là. Puis il y en a un qui m'a juste tout simplement aspiré dans une autre dimension. Dans laquelle on était. C'était vraiment le fun. C'était comme un genre de dîner qui ressemblait à Alice in Wonderland. Ah, tu vois. Puis de là, ben, comme, tu dois faire telle ou telle affaire. Fait que là, il a fallu que je fasse combattre des gens ensemble. Puis je me suis ramassé à sortir de là avec un staff qui est en fait un bâton de magicien. Genre. Qui avait la particularité de, quand tu l'utilises, faire n'importe quoi et tout. Je pouvais transformer un mammouth en lapin, je pouvais transformer un ennemi pas fort en quelque chose de vraiment très fort. Des fois, ça pouvait sortir du feu. C'était totalement aléatoire. Ce qui fait que c'est le fun. C'était super drôle. En même temps, c'est un risque quand tu l'utilises. Exactement, ouais. Ça donne un petit challenge plus quand tu joues. T'sais. Ouais. Mais ça, c'est le fun aussi parce qu'il y a plein de divinités de même que tu commences à sentir une appartenance à parce que bon, tu vas faire des missions qui vont dire telle personne pourrait te donner tel objet, puis là tu fais comme ok, ouais. Pour avoir l'objet, il faut que tu fasses quelque chose que moralement t'as pas envie de faire, donc tu le fais pas. Là. Moi j'ai joué vraiment à full voleur, thief, sneaky bastard, puis tu vois, quand tu commences à faire les quests pour la guilde des voleurs. C'est vraiment ça, tu vas aller voler du monde puis tout ça, fait que tu joues un peu sur ta morale. Ça, c'est des quêtes semi-principales, c'est ça? Parce que t'as la quête principale puis t'as des demi-factions que tu peux suivre. Non, c'est ça, en fait, c'est vraiment pas dans la quête principale, sauf que c'est des trucs qui vont peut-être proposer puis qui sont intéressants, comme si moi, mettons, tu sais, j'étais un thief. Voleur, c'est pour les... Parce que c'est le fils de la langue française. Ils nous ont appelé la semaine passée, là, gang. Donc... Ben. Vu que je suis un voleur, okay. De faire les quêtes de la... On dit-tu cambrioleur? Excuse-moi. Okay. Faire les quêtes de la guilde des voleurs, ça faisait en sorte que ça me donnait des items qui m'aidaient. Donc, mettons, des bottes qui me rendaient plus silencieux quand je marchais, qui me rendaient un petit peu plus sneaky. Des meilleurs dagues, un meilleur arc. Ça, tout ça, ça à la fin, ça te mène vers les Nightingales, qui étaient une espèce de faction de protecteurs un peu divins, si tu veux. Quand tu commences à faire toute cette ligne de quête-là, à la fin, t'arrives pis t'as vraiment une armure, tu sais, super belle, super épique, avec des statistiques de fou quand tu vas être un voleur, pis tu sais, t'as une arme aussi qui va avec, pis tu sais, il y a des avantages à appartenir à quelque chose. Ouais, ouais. Moi, il y a un avantage que j'ai pas vraiment apprécié, là, c'est que j'appartenais à la gang des loups-garous. Ouais. Je pouvais me transformer en loup-garou, puis je l'ai essayé quelques fois de me transformer en loup-garou, là, ben, c'est comme mal fait. Ben, j'ai pas trippé, en fait. Puis il y a possibilité de trouver une quête qui va ultimement mener à ta guérison complète de loup-garouisme. Ouais. Ben, ça, c'est le principe. Tu peux être aussi vampire. Puis, ouais, si tu te mordes trop souvent, ou si tu t'as pas traité après être mordu par un vampire. Si t'es un vampire, ben tu peux pas sortir le jour. Ouais. Juste pas sortir le jour. Tu peux te faire piquer par des araignées aussi qui vont t'empoisonner, puis il faut que t'ailles te curer à un moment donné. Mais ça aussi, c'est le fun, parce que c'est des petits challenges des fois qui vont arriver un peu de nulle part, puis tu sais, tu t'en rends pas trop compte, tu veux pas que ça arrive, finalement ça arrive. Dans Oblivion, j'avais un de mes amis qui était devenu vampire, puis il était vraiment frustré parce que s'il peut plus faire de quête pendant le jour, fait qu'il en est toujours le soir, tu sais, fallait que t'aies comme un certain item sur toi quand tu voulais aller faire des quêtes, fait que c'est vraiment compliqué pour rien, mais en même temps, tu sais, t'avais des avantages, des pouvoirs de plus qui venaient avec, puis C'est ça. Puis c'est toujours dans la balance. C'est un plus pour quelque chose, puis un moins pour autre chose. Puis c'est à toi de décider si t'aimes ça ou pas. Ouais, puis c'est ça. Tout a une conséquence dans Skyrim. Après ça, c'est de voir avec quelles conséquences tu peux le plus gérer. Mais est-ce que tout est réparable? Pratiquement. Parce que tu peux te guérir de ton vampirisme. Ouais, je pense que ça prend une certaine. Requirement. Ouais, c'est ça. Il y a comme une longue liste d'ingrédients qui doit être collectée justement pour en faire une concoction ultimement mener à une potion que tu vas boire, puis tu vas te réveiller tout nu dans le lit d'un ruisseau, puis tu devrais être correct. Là. Entre deux cactus. Il n'y a pas vraiment de cactus en Skyrim. Si t'en vois, t'as peut-être trop bu de McTavish. Je suis pas mal sûr qu'il y en a, mais en tout cas. On peut-tu les manger, ces cactus-là, ce qui donne des je sais pas moi, genre l'équivalent d'avoir mangé un taco chez Taco Bell? Probablement, mais bon, regarde, on n'en parlera pas trop longtemps. D'autres grandes quêtes secondaires, si on veut, c'est les mages, donc la magie. On se ramasse dans la ville qui est au nord-est de la carte, et puis on peut entrer dans l'université Arcane. Donc on va apprendre tout ce qu'il y a à voir avec la magie. Ouais. C'est pas quelque chose qui me passionne moi personnellement. Je suis plus un genre de gars qui est du type rentre dans le tas. Ouais, mais la magie, jusqu'à un certain point, moi je suis vraiment pas le gars qui va jouer le magicien dans Skyrim, dans d'autres jeux peut-être, mais ça moins. Mais c'est pratique pour pouvoir te guérir. Oui, absolument. C'est la seule magie que j'utilisais, c'était pour me guérir, parce que souvent, tu n'auras plus de potions, tu ne sauras plus comment faire. Fait que tu vas aller prendre ta magie, puis tu veux qu'elle soit bonne, parce que sinon, ça ne te guérira pas assez pour survivre un combat. Mais pourquoi les combats sont le fun? C'est parce que justement, la mécanique de combat avec les armes, le one-on-one, si on veut, il est très bien fait. Là. On est vraiment capable d'étudier notre adversaire, et puis de déterminer quand est-ce qu'il se prépare à swinguer, quand il swing, quand est-ce que nous, on doit bloquer et ou esquiver. Ça peut mener à des combats d'épée qui sont fort intéressants, puis bien le fun, puis t'as vraiment hâte d'être capable de voir l'ouverture, puis d'y swinguer ton épée d'en face. Non, là, c'est ça. La seule chose qui est un peu gossante des combats, c'est que vu que c'est à la première personne, chose qui est plus ou moins exploitée dans le domaine du RPG maintenant, c'est que souvent, il va y avoir un ennemi qui va s'en aller en arrière de toi parce qu'il a swingé son épée. Puis c'est un peu déstabilisant de devoir toujours checker autour de toi, OK, où est-ce qu'il est rendu? Puis là, tu vas avancer un peu pour donner un coup. Et lui, il va se déplacer. Puis c'est toujours d'être au courant de ton environnement. Puis, mais n'en demeure pas moins qu'il y a une fonction pour se mettre en troisième personne. Oui, non, tout à fait. On est capable de faire l'option ça. L'option est là. Sauf que c'est le combat qui en souffre quand on est en troisième personne, parce que ça a l'air beaucoup moins réceptif puis beaucoup moins précis. Oui. Totalement. Je veux dire, il n'y a rien de mieux que d'être en première personne pour jouer à Skyrim, parce que tout est dans ta face. Comme c'est du in your face. Ouais, ça a un facteur face bien important. Quand même. Fait que, on peut pas passer à côté de certains bugs qui existent. On en a vu des vertes et des pommures là-dedans, des mammouths volants. Ben écoute, ça, des bugs, l'affaire avec les jeux de Bethesda, c'est qu'ils sont tellement gros que c'est vraiment... Ouais. Je voudrais pas être un testeur sur un jeu de Bethesda. ça doit être l'enfer. Je voudrais pas être testeur tout court. Entre autres. Mais pas pour un jeu de Bethesda, mais c'est sûr qu'il y a un paquet de bugs. Là, il y a aussi la physique des chevaux qui est toujours très drôle à voir parce qu'ils peuvent monter des montagnes à genre 80 degrés puis il n'y a pas de problème. Non, ils ont des astis de sabots velcro là, puis ça... Ah, puis ça gaule. Les chevaux sur notre ferme, là, ils n'ont jamais été aussi bons que ça. Ah non, la dernière fois j'ai essayé de monter une montagne avec eux autres, ça a mal viré. Ouais. Fait qu'il y en reste rien qu'un, puis il y a une patte dans le plâtre. Il est encore vivant? Comment est-ce qu'il s'appelait déjà? Je pense pas. Je pense qu'on l'a enterré. Ah, tu vois, ouais. Ouais. Flamme, on l'appelait Flamme. Puis finalement, il a pas fait long feu. Sinon, il y avait une autre affaire que j'avais pognée qui m'avait un peu frustré. Parce que, tu sais, dans ton gros trip exploratoire, parce que c'est ça qui est cool dans Skyrim, c'est que tu t'en vas quelque part, puis ah, tiens, on va aller faire le donjon. Mais là, quand t'arrives à faire le donjon, tu te dis, hey, c'est quoi ça qui était au sol? Il y a comme une belle grille de métal, puis il doit sûrement avoir une manivelle en quelque part, puis direct quand tu pognes la manivelle, le jeu crash. Ouais, ça peut arriver. Ouais. J'ai eu pas mal de problèmes sur la version Xbox, parce que, tu sais, faut mentionner que j'ai eu d'abord la version Xbox, puis éventuellement j'ai pris la version PC, parce que j'ai un PC de marque dans le temps, fait que je pouvais pas jouer. Mais sur la version Xbox, j'avais vraiment une couple de problèmes de freeze où j'arrivais pour loader une section du jeu puis ça voulait pas. Fait que j'étais dans un loading qui était infini puis fallait que je reboot ma console, ce qui est un peu plate. Ouais. Mais sur PC, j'ai eu beaucoup moins de problèmes. Probablement que aussi que c'est plus facile à patcher puis tout ça. Fait. Probablement, oui. Ben, c'est surtout si vous avez une console qui est connectée en ligne, il y a des bien bonnes chances que des patchs arrivent pour aider ces problèmes-là. Toutefois, apparemment, là, quand on lit entre les lignes là, de bien des commentaires, plus que vous avancez puis vous progressez dans le jeu, plus que les risques de loading infini comme ça arrivent. C'est sûr qu'il y a plus d'informations à gérer, puis c'est ça. L'amalgame de différents systèmes à faire travailler ensemble, envers et contre tous, finalement, ben, finit par travailler contre toi, puis tu te ramasses avec une game corrompue. Après 200 heures de jeu, t'es rendu au level 55. C'est rare que c'est corrompu, par exemple, mais ça peut arriver. Ben, écoute, moi, ça m'est arrivé avec Batman Arkham Origins. Après 6 heures de jeu. Là, mais pas très si t'avais pas aussi mis ta console sur le poêle pendant 2 heures, peut-être que ça aurait aidé. Ouais, mais c'est pas, je me suis dit qu'elle avait fret. Là, le chauffage marchait pas encore dans la maison, puis on avait plus de fenêtres. C'est ça. C'était subi. C'est ça. C'était plus le Red Ring of Death, là. C'était le Melting Pot of Melted Plastic. Non, c'est ça. T'entendais la console crier de douleur. Puis... Ouais. Le lecteur CD faisait... Ouais, on en a réveillé des convives dans notre maison, mais bon. C'est pas grave. Bon, ben somme toute, moi c'est un jeu que j'ai bien aimé jouer. Je pense. Oh oui. Puis je vais y continuer, puis peut-être même une fois que je vais l'avoir terminé, je pourrais peut-être me commencer une autre partie en essayant une autre tactique, parce que tu vas jamais voir la même affaire deux fois. En partant. Puis là, faut dire aussi que depuis la sortie du jeu, on a sorti 3 DLC, si je me trompe pas. Ouais, c'est vrai, t'as Dragonborn. T'as Dragonborn, t'as Heartfire, je pense. Ouais. Puis un autre que j'ai oublié. Mais dans le fond, ça va rajouter des quêtes. Tout ça, je sais que Heartfire, ce que ça fait, c'est que tu peux customiser ta maison. Fait que c'est pas un gros DLC de fou là, avec des quêtes en plus finir. C'est juste que quand t'es dans ta maison, tu peux vraiment customiser tout ce qu'il y a autour, l'allure et tout ça. Fait que ça, tu peux mettre la tapisserie. Ouais, genre, ça te donne encore un peu plus un sentiment d'appartement. Si ta maison est à toi, tu fais ce que tu veux avec. Ouais. Sinon, Dragonborn, c'est vraiment plus des quêtes supplémentaires. Puis ils vont vraiment plus loin dans le. Pour se rendre ultimement à, c'est pas un punch, là, mais rider un dragon corps. Puis le combat de dragon, ça c'en est un des features qui est bien gros là. Quand tu te promènes, puis le dragon il est là. La pis... première fois que tu vois un dragon, tu chies dans tes culottes. C'est que t'as vraiment l'impression de pas être prêt à ça. Parce que c'est tellement une grosse bête. Tu sais, le premier que tu vas rencontrer après l'encounter initial au début du jeu, tu vas peut-être être level à 10 gros max. Ah, à peu près, même pas. Même. Fait que tu sais, je pense que c'est entre 5 et 10. Là, tu vas en rencontrer un, puis je veux dire, c'est des encounters qui sont aléatoires. Là, fait que ça va arriver éventuellement. Le dragon, il fait ce qu'il veut. Puis si tu y touches pas, peut-être qu'il te verra pas. Puis il va partir. Puis fine. Il y a moyen de les éviter, mais t'es mieux d'être capable de courir, pas pire. Non, c'est ça. Tu sais, puis ton cheval aussi. Parce que ça peut. Moi, tu vois, j'ai jamais raidé de cheval. Ah! Ben, j'avais juste l'épisode de Flamme dans ma tête, puis ça s'en marchait pas. Ouais, c'est ça. C'est dur à gérer. Fait que, somme toute, Skyrim, bon, ben, c'est en fait un espèce de immense, méga, gros tutoriel de la mort pour Elder Scrolls Online, qui va être disponible prochainement. Ouais. C'est la même affaire que Skyrim. Ben, c'est un peu un mix de Skyrim et de World of Warcraft. T'sais, ils ont fait un espèce. C'est comme si les deux avaient fait un bébé ensemble. Là. Ben, c'est à peu près Elder Scrolls Online. T'sais. Et puis ça, c'en est un MMORPG. Ouais. Ce qui fait que j'y jouerai pas parce que j'ai pas le temps et ou l'argent à dépenser là-dessus. Ouais, moi non plus. Fait que bon, ben on est rendu à la gorgée de la fin. Ben écoute, pas le choix. C'est pas mal ça qui se passe. Fait que McTavish de la brasserie Le Trou du Diable de Shawinigan, c'est une maudite bonne bière. Un facteur gueule que je mettrais dans le 9 sur 10. Ah, moi, facile. Parce que sérieusement, là, c'est une ale qui a une personnalité bien propre. Qu'une amertume qui est vraiment pas déplaisante. Puis qui est, à travers tout ça, très rafraîchissante. Je me verrais passer à travers 72 comme tu as bu tantôt. Là. Exactement. Ça, non, ça mais explique c'est... ton nez rouge aussi, là, mais oui, aussi. Sérieusement, moi j'aime bien ça. Là. Vraiment gros. Là. Sérieusement, cette bière-là, c'est une go-to beer. Là. Tu sais, tu veux boire de quoi, mais t'es pas trop sûr quoi. Ouais. Là. Avec ça, tu te trompes pas. Tu sais que tu vas aimer ça, ça va être bon. Puis pour, la tête. Puis pour les détracteurs de ce monde là, qui ne jurent que par la Budweiser et qui est mon oncle Maurice, que je regarde dans le coin là-bas, là. Qui est sur sa chaise berçante, puis il y a un œil qui louche, mais. Ouais, non, je pense qu'il est pas à ça. Mais en tout cas, c'est parfaitement le genre de bière qui peut facilement te faire rentrer dans le monde des micro-brasseries au Québec parce que c'est un excellent produit. Ah, ça, là, c'est. Puis c'est meilleur que toute la crap industrielle qu'on. Définitivement, puis c'est pas une bière qui coûte cher. Je veux dire, c'est super abordable. C'est un gage de qualité. Ben, écoute, je veux dire, si, admettons, là, vous avez quelqu'un, là, justement, qui boit juste de la botte puis de la bleue, là, amenez-y une McTavish, là, faites-y goûter, là, puis je suis sûr qu'il va changer d'idée. Il est bien mieux, en tout cas. Sinon, on va y péter à la gueule. Fait que, on va aller dans le pause menu, on va peser sur continue, et puis on va se donner rendez-vous dans 2 semaines pour un prochain épisode de la barrique numérique. Il y a un problème, là. On n'a pas dit si on préférait la bière ou le jeu. J'arrivais. Mais moi, c'était rendu quasiment implicite que jamais les deux. Fait que moi, mon verdict, là, c'est les deux. Je vais continuer ma game de Skyrim en buvant 72 McTavish. Je pense que c'est clair comme ça. Puis toi, Gaétan. Ben moi, c'est exactement la même chose. L'affaire, c'est que je sais que je peux finir une McTavish. Moins sûr que je peux finir Skyrim, mais je vais y travailler. Il y a une belle finalité à finir une bouteille de bière, mais il n'y en a aucune. Skyrim, c'est une quête qui est bien dure à finir. Ah, fait que... Absolument. Fait que, ben c'est ça. Merci beaucoup d'avoir été encore avec nous. Les frères Cassette vous disent à la prochaine. Ben oui. Puis suivez-nous sur les Facebook, sur les Twitter, puis on va se faire un plaisir de vous jaser. Vous avez des commentaires, des plaintes, des menaces. Vous savez où nous trouver. On n'est pas sorteux. C'est tout sur notre SoundCloud. Fait que allez vérifier là, on a tous les liens qui sont en place. Ça fait que à la prochaine. Ciao, ciao.